Il est 13h30 et là tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. La France fabrique des armes. La France exporte ses armes, principalement au Moyen-Orient. La France est même devenue le troisième exportateur mondial d'armement. Pourtant, de ce fleuron industriel, de ses usines, de ses 165 000 salariés, nous ne savons rien. Cette semaine, Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. C'est l'histoire du premier grand crime du XXe siècle. L'histoire de près de 100 000 morts, qui pour la plupart n'ont pas reçu de sépulture. C'est l'histoire du premier génocide du XXe siècle. Le premier commis par des Allemands. La première fois qu'ils utilisent des camps de concentration. Une œuvre multiple constituée de documentaires tournés dans bien des endroits du monde, avec certains fils rouges que nous tenterons de découvrir. Cette semaine, nous serons donc en compagnie d'une réalisatrice qui se présente à vous. Je m'appelle Anne Poiret, je suis journaliste et réalisatrice française et j'ai 42 ans. C'est venu comment, la réalisation ? Alors c'est le journalisme qui est venu d'abord, c'est une passion d'enfance, depuis que j'ai une dizaine d'années, je rêve de faire ce métier. Tintin ou Pas tellement, parce que Tintin, d'abord, il travaille pas. Je sais pas si vous l'avez... Moi, j'ai relu récemment avec mes enfants Tintin. C'est vrai qu'il glande pas mal, 22 rue du Labrador. C'est très difficile de le trouver avec un carnet à la main et un stylo, et encore moins une caméra. Et puis, Tintin est un garçon, alors ça c'est pas forcément évident de s'identifier. En revanche, une amie de ma mère était journaliste quand j'étais très jeune, et elle nous avait raconté en revenant un jour à déjeuner qu'elle revenait de New York dans un avion, elle avait été prise par un trou d'air. Je ne sais pas pourquoi, j'avais trouvé cette femme extrêmement aventureuse, et on ne sait pas grand-chose, mais ça avait été un peu un flash, comme quelque chose de possible, qu'on pouvait vivre une vie d'aventure en faisant ce métier. Et puis, c'est des rêves. Dans les rêves d'enfants, ça ne s'explique pas forcément, en fait. Je crois que c'est devenu une obsession. Et puis, j'ai pu faire mes études en fonction de ça. J'ai eu cette chance. Donc, j'ai fait des études qui m'ont conduite à New York, où j'ai, avec Sciences Po, eu un échange dans master de journalisme à NYU. Et j'ai construit ma carrière pour essayer de réaliser ce rêve. Anne Poiret, vous faites des documentaires depuis combien d'années à présent ? J'ai commencé en 2000, donc... Une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui motive vos choix ? Comment vous fonctionnez ? Beaucoup de ceux qui passent derrière ce micro parlent très honnêtement des questions de commande, réagissent souvent à la commande. D'autres, plus entêtés ou plus riches peut-être, ou qui ont réussi à piquer des biens dans leur famille et se sont pas fait prendre, arrivent à tenir plus longtemps avec des sujets qui leur tiennent à cœur. Où vous situez-vous, vous-même ? Alors depuis 2007, j'ai la chance de faire que des projets qui me passionnent et qui sont pour la plupart des projets que je porte moi. Alors je les porte longtemps, hein. Souvent c'est 1 an, 2 ans pour les vendre, c'est long, compliqué, même quand on en a fait plusieurs, ça s'impose pas comme ça. Donc il faut être évidemment très obsessionnel. Mais c'est vrai que j'ai cette chance-là de pouvoir, jusqu'à présent, jusqu'au prochain, on verra si ça continue, mais pour l'instant, depuis cette époque-là, les sujets se sont enchaînés et j'ai réalisé que mon obsession tournait autour de ce qui se passait après les conflits. Moi, je fais pas de front, je fais pas de combat, mais cet environnement des pays en guerre, des pays qui ont traversé des guerres et qui s'en remettent plus ou moins difficilement et parfois très longtemps après, parce que les stigmates et les problématiques d'après-guerre peuvent traverser des dizaines d'années. Mes sujets revenaient toujours autour de ça et me portaient pour pouvoir essayer de les imposer en étant très pénible avec des producteurs. Des directeurs, des patrons d'unités de programme pour obtenir une autorisation pour pouvoir y aller. Vous êtes donc pénible ? Je sais pas, je ne peux pas vous répondre, sûrement. Vous voyez bien travailler, vous bien... Non, mais je pense qu'il faut avoir des obsessions. C'est très compliqué. Il y a très peu de cases pour vendre ces sujets-là. Il y a très peu... il y a souvent peu d'intérêt du public, donc il y a peu de... Voilà, c'est des cases qui sont très précieuses, qui ouvrent sur le monde, mais qui sont pas forcément des énormes audiences, donc il y en a peu. Ce qu'on peut, voilà, déplorer ou comprendre, mais c'est comme ça. Donc c'est normal que ce soit pas simple de les imposer, et ça prend du temps, et faut être très... pertinent et convaincant. Donc voilà, mais c'est vrai que souvent, les projets que je les porte 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut être vraiment très long. Vous précisez, Anne Poiret, que c'est à partir de 2007 environ que vous avez commencé à avoir, entre guillemets, évidemment, carte blanche. Ça veut dire que pendant de 2000 à 2007, vous êtes beaucoup plus, comme beaucoup d'entre vous, à la merci des commandes et du bon vouloir de ceux qui vous engagent. Oui, mais c'est aussi une chance quand on commence. J'ai fait du news aussi et j'ai trouvé que c'était une école absolument fantastique. J'ai adoré ça. J'ai adoré l'énergie de l'info, d'un journal. J'ai travaillé longtemps pour 3 ans pour C'est dans l'air, qui est une émission de débat, mais qui est de France 5, mais qui est aussi produit des reportages. Donc moi, j'étais dans l'équipe. Et d'avoir cette adrénaline de 18h avec un sujet fini qui passe à l'antenne, c'est extrêmement amusant. Et puis surtout, quand on choisit pas ses sujets, on se frotte à des sujets qu'on ne connaît pas. On découvre le monde, on découvre la France, l'Europe, les endroits où on vous envoie. Et c'est aussi ça qui construit une réflexion et qui construit... c'est une chance incroyable de pouvoir faire cet apprentissage. Donc moi, j'ai adoré ça. C'est juste qu'en devenant indépendante, en fait, en 2007, redevenant indépendante, en étant indépendante, c'est vraiment dur de vendre des sujets. Donc il faut mieux que ça vous plaise. Donc voilà, c'est ça aussi qui est une nécessité. Une des questions qu'il m'arrive de poser à ceux qui se trouvent en face de moi et qui pratiquent ce métier-là, d'ailleurs toute forme de métier, est-ce que vous travaillez lentement, rapidement? Moi, j'ai une formule que j'emploie souvent à dessein parce que je l'ai chopée à Paul Claudel et Jean-Louis Barrault, qui entre eux, au moment où ils montaient le soulier de satin, je pense que ça devait être d'ailleurs Jean-Louis Barrault plus que Paul Claudel, disait « mal mais vite ». Alors vous ? Alors « mal mais vite », c'est l'actu, c'est une école formidable, on fait les choses, on les fait, il faut qu'il y ait quelque chose à l'antenne, on fait ce qu'on peut, alors c'est souvent mal pris par le public qui voilà, est très critique des journaux, mais souvent vraiment il n'y a vraiment pas le choix, donc les journalistes font ce qu'ils peuvent, mais c'est sûr que c'est pas satisfaisant et ça crée, on a l'impression, enfin, moi je sais que j'ai eu aussi envie d'aller sur des formats plus longs parce que on se rend bien compte quand on travaille sur des sujets courts dans le news qu'on ne comprend pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on relaie des informations mais qu'on les maîtrise pas, on comprend pas ce que les communicants vous cachent, on comprend pas, on n'a pas le temps, donc c'est très frustrant. Ça c'est ce qu'il y a de formidable avec le long, on peut avoir des mois à passer sur un sujet, alors là il faut mieux travailler bien parce que on vous paye pour ça, donc il faut mieux que ce soit vraiment bien, et c'est très lent parce que comprendre un sujet, essayer de le maîtriser, ça prend un temps infini, on a toujours l'impression de pas y arriver vraiment d'ailleurs, mais oui, c'est, je pense que ça se retourne un peu. Comment vous y prenez-vous? Eh bien, d'abord, pour pouvoir vendre un sujet, il faut déjà pas mal le maîtriser, donc il y a tout un travail préparatoire, parfois même avant d'aller dans les zones où on va tourner, il faut lire, il faut parler aux gens par téléphone, enquêter par téléphone, et puis après, il y a tout le travail sur place qui est plus contraint par la production, donc on a beaucoup moins de temps. C'est très, on peut tourner sur un an, mais on tourne pas un an quand on fait un film, même au long cours. On a les budgets sont merveilleux parce qu'ils existent, mais ils sont très contraints. Donc on ne voit, il faut mieux savoir exactement ce qu'on va chercher. Le travail documentaire, c'est un travail d'équipe. Ça repose sur d'abord une chaîne qui veut bien vous commander le sujet, une production qui va vous aider à réfléchir, qui va vous donner les moyens, qui va les organiser, et puis l'équipe avec qui vous partez, une personne, deux personnes, un chef opérateur, un caméraman, parfois un preneur de son, et puis le fixeur qui sont dans les pays, des personnages qui sont clés parce que c'est eux qui ont la connaissance de leur pays, qui vous le transmettent. Qui vous protègent, enfin c'est des gens voilà, qui sont partie prenante vraiment de ce qu'on fait. Et puis surtout tout le travail avec la monteuse ou le monteur à Paris qui vous confronte à ce que vous avez ramené, donc, pas ce que vous avez vécu, mais ce que vous avez ramené. Donc parfois c'est très frustrant Et c'est, voilà, faut faire avec. Et puis, parfois, au contraire, quelque chose sort qu'on n'a pas complètement senti, qu'on n'a pas prévu, que eux apportent. Et voilà, ça, c'est merveilleux. Auriez-vous tendance, du fait d'avoir fait pendant longtemps des news, à être quelqu'un qui était initialement dans la précipitation et qui a appris à ralentir le rythme? Oui, on passe de l'école de la débrouille, où il faut qu'il y ait quelque chose à l'antenne, vaille que vaille, à quelque chose où on peut pas se permettre, enfin, il faut pas que ce soit médiocre, donc il faut pouvoir gâcher du temps, il faut pouvoir le prendre, il faut... Oui, ça inverse un peu les choses. Anne Poiret, vous choisissez des sujets dont la matière commune, je me suis permis de rédiger, est souvent sombre, voire macabre. Vous n'aimez pas Fred Astaire? Si, j'adore Fred Astaire, j'adore les comédies, mais c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Moi, j'ai envie de raconter, je suis portée vers ces sujets-là, hein, c'est comme ça, c'est ça qui me passionne. Je pense qu'il y a des gens qui racontent très bien Fred Astaire, qui le feront beaucoup mieux que moi, avec du sens pour eux, du sens... voilà, moi, ce qui me passionne, c'est ce qui se passe dans ces pays après les conflits ou avant, c'est ça qui m'intéresse, c'est comme ça. Et le « En bas de chez vous », ça, vous le faites pas non plus? Alors, je l'ai fait cette année, je l'ai fait l'année dernière, puisque j'ai fait un travail sur 2 ans, avec un documentaire pour France 5 et un livre... qui est sorti en avril aux éditions Les Arènes sur l'armement français. Pour le coup, c'est extrêmement proche de nous, parce que c'est dans toutes les régions françaises. Ça irrigue l'économie, ça irrigue notre politique étrangère. C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la société française. Donc oui, je me suis aussi intéressée à ce qui se passait en bas de chez nous. La France fabrique des armes. La France exporte ses armes, principalement au Moyen-Orient. François Hollande et son gouvernement, plus que tout autre avant lui, a vendu des armes. Vous avez été capable, grâce à vos performances, de nous permettre d'avoir des contrats à l'exportation qui n'ont jamais été aussi élevés ces dernières années. La France est même devenue le 3e exportateur mondial d'armement. Pourtant, de ce fleuron industriel, de ses usines, de ses 165 000 salariés, nous ne savons rien. Je dirais que c'est une industrie qui n'a pas besoin que les médias s'intéressent à elle. Donc, en l'occurrence, on essaye d'éviter de parler, de trop parler de ce qu'on fait. Est-il possible de concilier la promotion de cette industrie et les valeurs humanistes de la France? À qui est-on prêt à vendre pour préserver ces emplois-là? Pourquoi est-ce à ce point un angle mort du débat public? Tout est couvert par le secret défense. Tout. Absolument tout. Nous sommes partis à la découverte de cette industrie taboue. Un extrait de « Mon pays fabrique des armes », documentaire réalisé en 2018. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Comment, si vous aviez à le faire tel une entomologiste, classeriez-vous vos films? Je vais vous les citer, parce que parfois les auteurs n'ont pas exactement en mémoire tous les titres. Namibie, le génocide du Deuxième Reich. Moutour, un crime contre l'humanité, qui a obtenu au passage le prix Albert Londres en 2007. Il y a peut-être d'autres prix, vous les donnerez au fur et à mesure. Fabrique d'un État, en 2013, on en avait parlé déjà à ce micro. Syrie, Mission Impossible. Mon pays fabrique des armes, celui dont vous venez de parler. Bienvenue au Réfugistan. Et puis enfin, le petit dernier, si j'ose dire, autour de Mossoul. Alors, si on doit faire des catégories, qu'est-ce que vous diriez, vous? Ce sont des films qui tournent autour de la guerre, c'est-à-dire que sans aller sur le front, parce que c'est pas ce que je sais faire, il y a des gens qui font ça bien. Ça tourne autour, ce qui se passe avant, les pays achètent des armes, justement, en l'occurrence souvent à nous. la France, et puis ce qui se passe juste après, ce qui se passe pendant, les gens fuient et se retrouvent dans des camps de réfugiés, ce qui se passe très longtemps après, c'est quand il y a les enjeux de mémoire, en l'occurrence sur la Namibie, c'est un siècle après ce génocide qui a fait suite à un conflit, hein. En Namibie, comment d'un point de vue mémoriel des peuples qui sont héritiers de ces peuples Nama et Herero s'emparent de questions de la mémoire. Donc ça tourne toujours autour de cette question-là. Je pense que c'est ça qu'ils ont en commun, mes documentaires. Et c'est vrai que l'univers du post-conflit, il est irrigué par les ONG. Il y a beaucoup, donc Moutour, un crime contre l'humanitaire, c'est pas tout à fait un contexte de guerre, mais c'est juste en amont d'un contexte de guerre, ce qui fait que d'ailleurs ces gens disparaissent à ce moment-là. Donc je me suis intéressée à plusieurs documentaires sur des ONG, et puis quand on s'intéresse d'un point de vue plus large vraiment au post-conflit, on tombe sur l'ONU qui a la charge de pas mal d'endroits et de pas mal de ces situations, et trois de mes films sont sur soit des agences de l'ONU avec le HCR sur les réfugiés ou sur l'envoyé spécial qui est un négociateur de l'ONU pour la Syrie, ou Fabrique d'un État que j'ai co-réalisé avec Florence Martin-Kessler qui est sur tout le système onusien au Soudan du Sud la première année de la création de ce pays. Je me permets d'insister sur cette question parce que on aura l'occasion d'en parler tout au long de la semaine, puisque vous serez avec nous, Anne Poiret, tout au long de cette semaine. On entend bien l'intérêt multidimensionnel, il n'empêche que ce type de sujet attrape également un certain nombre d'images sombres que vous filmez, ou parfois peut-être que vous récupérez au hasard d'archives et qui servent votre récit. Moi je m'en suis fait là, dans la foulée, un certain nombre à la suite. Je dirais volontiers que c'est d'ailleurs une remarque que j'avais fait avec un des invités d'Histoire Vivante qui travaillait dans un centre où les victimes des camps d'extermination étaient désormais par fiche, et en Allemagne. Et dans ce centre-là, des gens venaient travailler le matin à 8h, repartaient à 18h, et je leur demandais au bout du compte ce que ça pouvait leur faire que de vivre dans un tel environnement. Je vous pose la question, vous n'êtes pas dans un centre avec des cartes, vous êtes face à des images que vous voyez et revoyez de multiples fois, parce que il s'agit pas seulement de les filmer, il s'agit aussi de les regarder après sur la table de montage, de les choisir, de les sélectionner, puis après de rentrer à la maison voir les enfants, parce que quand même, il n'y a pas que les documentaires dans la vie. Alors qu'est-ce que ça fait, ça ? Ben, ça fait qu'on réalise qu'on a énormément de chance, en fait. C'est ça que ça fait surtout, c'est que ça fait apprécier et avoir énormément de gratitude pour la vie qu'on mène à Paris, quand en plus on a une famille heureuse autour de soi, et qu'on vit en France, dans un pays extrêmement privilégié. On mesure la fragilité des choses, on mesure dans les débats qu'il peut y avoir aussi, la façon dont un pays peut partir en guerre assez vite, est-ce que ça fait vraiment une fois que, et comment on en revient pas vraiment après. Mais bien sûr que par moments c'est difficile, hein, c'est pas il s'agit pas de dire que c'est pas simple, mais je pense que nos métiers, c'est aussi de faire les ponts, donc de faire des ponts entre des endroits très difficiles avec des situations très difficiles, et puis voilà, que les gens puissent réaliser ça aussi, peut-être réaliser la complexité du monde, la chance qu'ils ont ici. Mais vous parlez d'un public restreint. On peut imaginer que ce public-là se retrouve à peu près public de toute cette famille de documentaires. Et on peut donc parler à cet endroit-là d'un risque d'entrisme. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous voyez parfois confronté quand vous êtes dans un débat public où vous retrouvez bon an mal an les mêmes têtes, et puis les gens sont plus ou moins d'accord avec vous, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont eux-mêmes conscients des problématiques que vous soulevez. Bah, mais j'espère qu'on touche un public quand même par la télévision qui va. Qu'est-ce que vous en savez, ça, bah, pour l'instant? J'en sais rien. C'est le. Il y a du retour, il y a du. Il y a des audiences qui sont fragiles. Évidemment, c'est pas des sujets qui font des énormes audiences parce qu'elles sont dans des chaînes qui sont pas les chaînes les plus regardées aussi, et puis parce que. Mais c'est pas forcément des audiences catastrophiques non plus. Les gens, je pense, sont intéressés. J'espère que une fenêtre sur le monde, sur ce que ça a de complexe et de difficile, et pas mais pas impossible. Le rapport avec les chaînes. Est-ce que vous pourriez peut-être, puisque vous travaillez quand même, Anne Poiret, depuis un certain nombre d'années, donc vous avez pu voir évoluer la demande vis-à-vis des objets que vous proposez, en l'occurrence le documentaire, diriez-vous qu'elle a évolué en 20 ans ? Ou en tout cas changé ? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient un petit peu les mêmes pendant ces années-là, donc je ne les ai pas vues particulièrement changer. La demande pour des films sur des pays lointains, sur des sujets très pointus, le Soudan du Sud, la Libye, c'est pointu, la Namibie, c'est évidemment que c'est pas des sujets grand public. C'est toujours restreint, c'est toujours très fragile. Il y a plutôt moins en moins de place pour ça. Donc l'évolution est va oui, dans ce sens-là. Oui, mais pour l'instant, elle continue à se maintenir, elle se maintient. Donc je pense que ça aura toujours. Enfin, je suis quand même assez pessimiste, mais c'est vrai que pour l'instant, quand même, il y a encore des espaces. Ils sont petits, ils se restreignent. Il y a encore un... Et je pense qu'en France, on a... Je saurais moins le dire pour la Suisse, mais en France, on a quand même quelque chose de plus robuste qu'ailleurs. C'est très fragile, mais c'est quand même plutôt une énorme chance aussi de ce système qui est fragile, qui est en danger, qui est tout ce qu'on veut, mais qui existe. C'est l'histoire du premier grand crime du XXe siècle. L'histoire de près de 100 000 morts qui, pour la plupart, n'ont pas reçu de sépulture. Les Allemands ont fait tout ce qui était possible pour nous exterminer. Ils pensaient que si nous parvenions à nous reconstruire, ils n'arriveraient jamais à coloniser le pays. C'est l'histoire de deux peuples quasiment anéantis par l'Allemagne et que le monde a oublié. Tout, pourtant, a été consigné par l'administration coloniale. Et les preuves de ce génocide en Namibie sont toujours accessibles. Ce qui s'est passé en Afrique était pour les Allemands une bataille pour l'avenir des races. Si la race blanche voulait dominer, alors elle devait se battre contre la race noire et l'éliminer. Le résultat, c'est le massacre des trois quarts de la population Herero et de presque la moitié de la population Nama. C'est l'histoire du premier génocide du XXe siècle. Le premier commis par des Allemands. La première fois qu'ils utilisent des camps de concentration. Et on les fait travailler dans des conditions qui, dans une certaine mesure, rappellent les conditions du système concentrationnaire nazi. C'est enfin l'histoire d'un trafic macabre de cadavres pour servir ce qu'on appelle alors la science. Les détenus dans les camps étaient forcés de faire bouillir les têtes qui pouvaient être celles de leur famille ou d'amis. Et ensuite, avec des débris de verre, de gratter la chair et les ligaments de ces crânes. Ils devaient les nettoyer pour qu'ils puissent être envoyés en Allemagne. On vient d'entendre un extrait de ce documentaire « Namibie, le génocide du Deuxième Reich ». La Namibie qui, effectivement, est un laboratoire à main des égards. Alors, est-ce que vous pourriez à la fois nous faire un rapide résumé du documentaire, puis nous dire également comment vous tombez là-dessus ? Parce que ce pays-là, à bien des égards, est totalement dans l'angle mort des centres d'intérêt. Alors, ce documentaire est né d'un autre documentaire que je réalisais pour la chaîne France 5 aussi, qui est lié à l'émission Échappée Belle et qui fait des routes en fait de c'est plutôt une émission de voyage, mais d'itinérance. Voilà, d'itinérance. Mais moi, j'avais pu faire quelque chose d'un peu plus politique sur la route des peuples premiers. Enfin, c'était une route qui allait à la rencontre des peuples premiers entre l'Afrique du Sud et la Namibie, justement, les peuples Khoi et les peuples San. Et en fait, en chemin, on a traversé un village où il y avait des populations Nama dans le sud de la Namibie qui nous ont raconté cette histoire. Et c'était un moment complètement particulier parce que c'était vraiment un village minuscule, de très pauvre, très simple, très écarté de Windhoek, enfin voilà, vraiment très fragile. Et il y avait un vieux monsieur qui était là, après j'ai su que c'était un grand chef Nama, l'héritier d'un grand chef Nama, qui voyait plus très bien, qui était dans son fauteuil, qui avait une femme qui nous avait accueillis, on s'est assis à côté avec lui, et puis il nous a expliqué l'histoire du peuple Nama, et puis il nous a tendu une vieille photocopie toute passée, en disant voilà, c'est les excuses que nous attendons, que nous avons demandé pour que l'Allemagne nous réponde, et nous demandons les restes de la reconnaissance du génocide et à la chancellerie allemande. Et ça paraissait complètement invraisemblable, son histoire, parce qu'on était, moi j'en avais jamais entendu parler, c'est une niarde que j'étais. Mais surtout, il était tellement loin de tout de pouvoir imaginer qu'il était en train de tenir cette discussion et d'engager un rapport de force avec l'Allemagne. Ça paraissait fou. Et quand on l'a filmé, on a filmé aussi à Shark Island, l'endroit où il y a eu un camp de concentration, où les gens sont morts dans des conditions épouvantables. Donc on a filmé cette séquence cette première fois, qui est donc un endroit où il y a une histoire absolument abominable, et qui était à ce moment-là un lieu de camping, avec la seule plaque qu'il y avait, c'était pour en mémoire de soldats allemands, justement. Et quand on est revenu, il y avait cette petite partie dans le documentaire, et on s'est dit avec le producteur, il faut faire quelque chose de plus, parce qu'en fait, on ne connaît pas du tout cette histoire. Évidemment, on s'est renseigné entre-temps, et on s'est dit que ça valait un autre film, et c'est là où France 5 est une chaîne, et la chaîne La Case Histoire est encore une case merveilleuse, parce qu'on a pu faire ce documentaire sur ce génocide qui est reconnu comme le premier des quatre génocides du XXe siècle, et qui est complètement passé sous silence, et qui préfigure, même s'il ne faut pas simplifier trop, parce que les liens sont très complexes et c'est pas en ligne droite que ça se reproduit, c'est quand même un demi-siècle après la Shoah, mais il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes de mettre en perspective par rapport évidemment au Troisième Reich. Bon nombre d'universitaires, de chercheurs allemands travaillent la question. Le film date déjà de 2007, le vôtre, ou peut-être même 2010. Savez-vous où l'Allemagne en est par rapport à cette question-là? Est-ce que le courrier est arrivé? En 2011, on a assisté à la première remise de crâne, et c'était extrêmement touchant, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les camps, les gens mouraient dans des conditions épouvantables, d'épuisement, voilà. Et il y avait certains médecins qui menaient des expériences sur les gens qui étaient internés. Et puis, il y avait, c'est pas particulier à l'Allemagne au début du XXe siècle, ça a été très marqué et dans ce pays. Les scientifiques faisaient venir des crânes en fait de leur colonie pour des études sur les classements des races, c'était le grand délire de cette époque-là. Et donc on a pu assister à cette cérémonie qui était complètement bouleversante en Allemagne, à Berlin, où il y avait une remise de crâne où quelqu'un du gouvernement allemand avait été missionné, mais comme ils étaient incapables de prononcer des excuses, de prononcer le mot génocide, ça s'est très très mal passé. Et ça continue à très mal se passer, parce qu'il y a ce dialogue est engagé, il y a des négociations qui avancent. En septembre 2018, il y a eu encore un épisode qui a à nouveau été douloureux, avec à nouveau une remise des remises de crâne qui se fait pas dans les conditions qui sont propres vraiment à apaiser les populations sur place. Donc c'est encore très très douloureux, en fait, cette question, un siècle après. Anne Poiré, on va se retrouver demain, puisque nous passons, et nous avons la chance de vous avoir pour toute une semaine. À demain. À demain. Demain, suite de nos entretiens avec Anne Poiré, il y sera question de trois documentaires, Moutour, un crime contre l'humanité, Fabrique d'un État et Syrie, mission impossible. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.